franceinter.fr. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, une affaire qui plus de deux siècles après n'a pas dévoilé tous ses mystères, Jeanne de Lamothe et l'affaire du collier de la reine. 15 août 1785 à Versailles, la scène est saisissante. Un cardinal est arrêté dans sa robe de pourpre cardinalis au beau milieu de la galerie des glaces. Les courtisans n'en croient pas leurs yeux. Le cardinal de Rohan, arrêté. Lui qui, dans quelques minutes, doit célébrer la messe devant le roi. Lui, l'aristocrate issu d'une des plus vieilles familles de France. Mais cette scène, aussi incroyable soit-elle, n'est qu'un des épisodes de l'affaire rocambolesque dont Versailles a été alors le théâtre et l'Europe entière le public médusé. Tous les ingrédients d'un roman sont réunis. Une jolie reine qui s'ennuie, un cardinal libertin, une jeune fille pauvre qui rêve d'être princesse, un mage italien, des rendez-vous nocturnes au bosquet de Vénus et pour pimenter le tout, un collier de diamants de 2800 carats. Mais ce qui aurait pu rester une piquante mascarade va vite s'emballer et tourner au drame shakespearien pour la monarchie française. De l'aveu même d'un contemporain, cette affaire fut une mèche sur un baril de poudre. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Evelyne Nevers, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, auteur de plusieurs livres sur Marie-Antoinette et sur Louis XVI, des livres qui font référence, et plus précisément un livre sur cette affaire du collier. L'affaire du collier est une affaire d'escroquerie dont le cardinal de Rohan va être la principale victime, mais surtout d'où la réputation de la reine Marie-Antoinette, qu'elle fut innocente ou pas, nous le verrons, sortira à jamais éclaboussée. Alors pourquoi, Evelyne Nevers, d'abord, cette histoire est-elle à plein de points de vue passionnante? L'histoire est passionnante parce que c'est véritablement un feuilleton qu'aucun dramaturge n'aurait osé imaginer. Et c'est un feuilleton qui caractérise une crise de l'État et de la société au même moment. Il y a souvent eu des scandales et en général, lorsqu'un scandale éclate, c'est qu'il y a une crise qui est une crise intérieure assez violente. Et je crois que l'affaire du collier exprime bien ce genre de choses. Alors cette affaire donc nous ramène dans un monde qui sera bientôt englouti par la Révolution, celui de l'Ancien Régime, l'époque où Marie-Antoinette, pour tromper son ennui, jouait à la bergère. Mais l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1784, quand dans la tête de la jeune Jeanne de Lamothe va commencer à germer de folles machinations, nous allons l'entendre. Alors pourriez-vous d'abord, Evelyne Nevers, nous rappeler le contexte historique, 1784? Alors, Louis XVI règne depuis 10 ans. Son épouse Marie-Antoinette est une femme qui déjà à cette époque est extrêmement impopulaire. Depuis le début du règne, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, Marie-Antoinette passe pour une femme légère, pour une femme dépensière qui achète quelquefois des bijoux sans l'accord de son époux, mais en général elle avoue qu'elle a acheté des bijoux et Louis XVI règle ses dettes. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que Marie-Antoinette est déjà surnommée l'Autrichienne. Pourquoi l'Autrichienne? Tout d'abord parce que, évidemment, elle était la fille de l'impératrice Marie-Thérèse, certes, mais surtout parce que dans les conflits internationaux, elle a toujours pris le parti de son frère, de sa mère d'abord et de son frère ensuite, et ce surnom d'Autrichienne commence à devenir assez gênant pour elle, parce qu'on a l'impression qu'elle trahit les intérêts de la France au profit de son frère. Donc c'est une femme qui est mal aimée par le public. Il y a des pamphlets qui la décrivent véritablement comme déjà une sorte de Messaline. Et elle est ulcérée par ce genre d'accusation. Et comme souvent on lui prête des défauts qu'elle n'a pas, elle cherche ceux qui les font courir, et justement le cardinal de Rohan fait partie de ceux qu'elle n'aime pas, de ceux qu'elle considère comme ses ennemis personnels, et c'est pour cela qu'elle voudra pour lui, dans l'affaire que vous allez évoquer, elle voudra pour lui une punition exemplaire. Or, le XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle des Lumières, c'est l'époque de Voltaire, de Rousseau, des philosophes. Où en sont les idées de liberté à ce moment-là, en 1784 ? Eh bien, il y a une France dans laquelle il y a des élites, et des élites bourgeoises, des élites intellectuelles, et même des élites aristocratiques, qui veulent un changement dans la société et surtout dans le régime, qui considère que la monarchie absolue, qui est le système, celui de la France à ce moment-là, la monarchie absolue a suffisamment vécu et il faudrait que le roi partage son pouvoir, eh bien, avec des élites élues. Donc, il y a ce mouvement qui est favorable à l'établissement d'une monarchie constitutionnelle. Et cette idée de la monarchie constitutionnelle, eh bien, elle a couru tout au long du XVIIIe siècle. On combat l'absolutisme que l'on taxe de despotisme. Et on va en avoir justement l'illustration au moment du procès du Collier. En la monarchie en France, donc au XVIIIe siècle, c'est aussi un système où les nobles, s'ils veulent exister, doivent venir vivre à la cour de Versailles. C'est un drôle de système où pour justement exister, il faut obtenir les grâces du roi et de la reine. On va voir que ça a une certaine importance dans l'histoire que je vais raconter dans un instant. Le noble de cour ne travaille pas et il doit vivre d'une pension. Pas forcément d'une pension, mais enfin, la noblesse avait été une noblesse, disons, frondeuse tout au cours des XVIe et XVIIe siècles, et c'est Louis XIV qui avait en quelque sorte asservi la noblesse en l'attirant à Versailles et en lui offrant évidemment un certain nombre d'avantages. Et cela a continué tout au cours du XVIIIe siècle. Mais vous avez deux noblesses, si on peut dire. Vous avez une noblesse de cour qui vit dans ses châteaux et qui vit souvent avec un certain nombre de difficultés, qui vit de ses terres, et il y a une noblesse de cour qui est à Versailles et qui jouit de la faveur royale et qui obtient des pensions, qui obtient un certain nombre d'avantages. Et la reine est la distributrice de ces grâces. Elle peut offrir aux uns des pensions, aux autres des nominations en tant qu'ambassadeur, des régiments, etc., etc. Donc il y a toute une noblesse qui est un peu parasitaire dans une certaine mesure et qui vit à Versailles. Un monde qui va bientôt disparaître, nous le verrons tout à l'heure. Evelyne Levert, je vous propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Jeanne de Lamothe et l'affaire du collier de la reine, un texte de Renaud Meyer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Michel Sidorov. Enfin, je l'ai vue. Si belle dans sa robe de taffetas mauve et sa collerette de mousseline, la reine. Je lui ai dit mon nom, elle m'a souri. Combien d'années que j'attends ça ? Oh mon Dieu, je n'ai pas rêvé, j'en perds la tête. Oh, quelle chaleur ! Ma place est ici, au petit Trianon. Marie-Antoinette se confierait à moi comme à la princesse de Lamballe. Je ferais partie du cercle. Je n'ai pas leur instruction, mais j'ai de l'esprit. Il faut savoir saisir sa chance. Le cardinal de Rohan a raison. Ma fortune est entre mes mains. Je ne suis plus la petite Jeanne, ni la comtesse de Lamothe. Je suis la princesse de Valois. En ce soir de juin 1784, à Versailles, Jeanne de Lamothe quitte le petit Trianon où elle a entrevu la reine Marie-Antoinette. Née Jeanne de Valois, cette descendante naturelle du roi Henri II, a épousé un certain Marc de Lamothe, officier de gendarmerie sans envergure. Prêts à tout pour satisfaire leur ambition, ils ont usurpé les titres de comte et de comtesse et multiplient les aventures extra-conjugales. Jeanne devient notamment la maîtresse du cardinal de Rohan, ancien ambassadeur de France à Vienne. Elle a 28 ans, lui 50. La branche des Valois, dont elle est issue, ayant perdu toute sa splendeur, Jeanne a été écartée de la cour. Elle espère obtenir par l'intermédiaire du cardinal ce qui, selon elle, lui a été injustement retiré à la naissance. De l'argent, des terres, des titres. Les Rohan, originaires de la maison de Bretagne, appartiennent à l'une des plus vieilles noblesses de France. Mais le prince Louis, cardinal mondain à la réputation libertine, est en disgrâce depuis son retour de Vienne, où il a dénoncé le double jeu diplomatique de la mère de Marie-Antoinette. La reine ne lui adresse plus la parole. Le cardinal ne rêve que d'une chose, revenir en grâce auprès de la souveraine, qui semble peser dans la nomination de certains ministres. L'ambitieuse petite Jeanne de La Motte, qu'il guide dans ses démarches à la cour, pourrait bien à son tour se révéler fort utile. Prince. Ah, venez là, cher amour. Tous ces jours sans vous voir, je n'avais aucune nouvelle. 4 jours. C'est trop. Beaucoup trop. Vous savez comme vous me manquez. Vos grands yeux bleus, votre peau si blanche et cette bouche qui semble appeler mes baisers. Et mon esprit ? Il est aussi séduisant qu'effrayant. Vous savez faire avec les hommes et avec moi. C'en est désarmant. Et avec la reine ? La reine ? Vous avez vu la reine ? Comme je vous vois. Magnifique. Vous lui avez parlé ? Parlé ? Je ne peux pas lui dire que la reine ne m'a rien dit, qu'elle m'a tout juste souri. Il faut lui montrer que je suis une Valois. Jeanne, vous lui avez parlé ? Elle n'a eu de cesse de me poser des questions. On ne pouvait plus l'arrêter. Elle brûle de savoir ce qui se passe en dehors de la cour. Oh, mais rien. Rien, il ne se passe rien en dehors de la cour. Seul importe la cour. Enfin, c'est ce qui nous intéresse, vous et moi. Elle vous a donc apprécié ? Oh, davantage. Je le savais. C'était mon idée. Et j'ai vu juste, la reine a du goût pour vous. Vous lui avez exposé votre affaire ? Oui. Elle sait que vous êtes une Valois. Et que la fortune de mes ancêtres m'a été retirée. Que vous êtes désespérée. J'ai versé des larmes. Et elle ? Elles ont perlé sur ses joues. Merci, Seigneur. Vous vous êtes jetée à ses genoux, comme je vous l'avais dit. Immédiatement. Quand veut-elle vous revoir ? Me revoir ? Oui, vous revoir. Qui ? Eh bien, la reine. La reine ? Oui, la reine. Marie-Antoinette, pas une autre. Elle n'attend que moi. Quand ? Demain. Formidable. Elle veut faire de vous l'une de ses intimes. C'est une bénédiction. Je vais lui écrire. À la reine ? À la reine. Pourquoi faire ? Vous lui glisserez mon nom, dès demain, au hasard de la conversation. Ensuite, vous lui donnerez cette lettre. Je vais la remercier de sa grandeur, lui dire combien je lui suis désormais dévoué. Qu'en pensez-vous ? Excellente idée. Comme la reine ne tardera pas à m'écrire, vous me donnerez sa réponse. Ce sera le plus sûr moyen d'entrer à nouveau en grâce. Pourquoi je lui ai raconté que j'avais parlé à Marie-Antoinette ? Il me croit maintenant l'ami de la reine et s'imagine que je vais obtenir son pardon. Demain, je ne verrai pas la reine, ni même sa femme de chambre. Vous êtes sûre de vouloir lui écrire ? N'est-ce pas un peu précipité ? Tarder serait une erreur. Vous avez sa confiance, il faut en user. Il m'envoie à Trianon pour parler de lui. C'est tout ce qui l'intéresse. Tellement aveuglé par son orgueil, comme tous les Rohan. Je ne suis bonne qu'à ça, jouer les intermédiaires. Ma place à la cour, il s'en moque en réalité. Oh, mais oui, je sais. Voilà. Il attend une réponse de la reine. Il l'aura. Villette, ce génie dans l'art de fabriquer des faux, saura imiter à la perfection l'écriture de sa majesté. Ainsi Rohan aura sa réponse. Il se croira pardonné et il me vouera une reconnaissance éternelle. Dès le lendemain, sous la dictée de Jeanne de La Motte, Marc Rétaux de Villette, un autre de ses amants, rédige de fausses lettres signées Marie-Antoinette à l'intention du cardinal de Rohan, dans lesquelles la reine semble lui donner l'espoir d'un possible pardon. Transporté, le cardinal demande à Jeanne de lui obtenir un entretien avec la souveraine. Prise dans l'engrenage de ses mensonges et convaincue des profits qu'elle peut en tirer, Jeanne organise une entrevue secrète dans les jardins de Versailles, dans la nuit du 11 août 1784. Son mari et complice convainc Nicole Leguet, une prostituée rencontrée au Palais Royal, de se faire passer pour Marie-Antoinette, tant sa ressemblance avec la souveraine est étonnante. Vous marchez trop vite. On ne fait pas attendre la reine. La reine sera là? Bien sûr. Je croyais que je devais jouer son rôle. Oui, et la reine va vous regarder. Elle ne veut pas rencontrer le prince? C'est une farce que nous jouons au prince. La reine adore ça. Vous voulez lui être agréable, oui ou non? Oui. Alors, avancez. Et ne marchez pas sur votre robe blanche. Vous allez la salir. La reine va me regarder être la reine. Oui. Oh, mes jambes sont encore plus molles. Je vais défaillir. N'oubliez pas que pour la reine, vous êtes la baronne d'Oliva. Et que pour le prince, vous êtes Marie-Antoinette. Pourquoi va-t-elle lui faire une farce? Les gens de la cour adorent ça. Vous n'avez pas vu le mariage de Figaro? Non. La reine aime le théâtre plus que tout. Les histoires de comtesses et de femmes de chambre, de masques et d'illusions l'enchantent. Alors ce soir, elle s'offre une représentation secrète. Rien que pour elle, grâce à vous. À moi? Ne la décevez pas. Mais le prince ne va jamais croire que je suis la reine. Le temps est couvert, on y voit à peine dans le bosquet de Vénus. Vous n'aurez qu'à lui tendre cette rose. Et lui dire que le passé est oublié. Ensuite, laissez-le parler. Posez-vous sur ce banc. Je vais chercher le prince. Et redressez-vous. La reine vous regarde. J'ai les mains moites. Cette comédie est excitante. Mais c'est de la folie. Si Rohan s'aperçoit que Nicole n'est pas la reine, tous mes efforts seront ruinés. Il dira partout que je suis une intrigante. Oh, tant pis. C'est trop amusant. C'est vous. Je n'y tiens plus. Où est la reine? Elle vous attend en bas de l'escalier des 100 marches. Au bosquet de Vénus, vous serez à l'abri des regards. Allons-y, allons-y. La reine, mon Dieu, la reine. Elle est très contrariée. À cause de moi? C'est la comtesse d'Artois. Elle doit s'entretenir avec elle au plus vite. Votre entrevue sera brève. Oh, je joue de malchance. Vous préférez que je dise à la reine de remettre votre rendez-vous? Non, non, surtout pas. Il faut qu'elle me témoigne beaucoup d'amitié pour accepter de vous rejoindre ici en pleine nuit. Je sais, je sais. Soyez digne de sa bonté et du soin que je mets à vous redonner votre place à la cour. Merci, Jeanne, je vous dois tout. Chut, la reine est là, elle vous attend. Vous la voyez? La reine... C'est elle? Qui d'autre? Allez-y, jetez-vous à ses pieds. Je me retire. Majesté, pardon, majesté, pardon. Prenez cette rose. Vous savez ce que cela veut dire. Le passé est oublié. Oh mon Dieu. Majesté, majesté, merci. Je n'ai pas de mots pour dire combien... Si je vous ai blessé, si j'ai blessé votre mère, si j'ai offensé l'Autriche, je le regrette. Vous savez que la maison des Rohan a toujours été votre alliée. Majesté, la comtesse d'Artois vous attend. Déjà, majesté. Elle est partie. Elle vous a pardonné. Oh, vous croyez? Cette rose en est la preuve. Oh. Merci, Jeanne. Désormais, votre parole sera sacrée. Je vous suivrai aveuglément. Vous pouvez tout obtenir de moi. Il n'y a vu que du feu. Me voilà la grande amie de Marie-Antoinette. Le prince de Rohan est prêt à tout pour moi. Et si la reine lui demandait dans un billet de me donner, disons, 60 000 livres? Il ne pourrait refuser sans offenser celle qui vient de lui accorder son pardon. Villette saurait me faire une belle lettre à la façon de Marie-Antoinette. 60 000 livres, c'est parfait. Au fond, mener la grande vie, c'est ce qui importe. Contre toute attente, comme elle l'a imaginé, Jeanne obtient les 60 000 livres du cardinal. Fortune faite, elle décide de se retirer avec son mari sur les terres de ses ancêtres à Bar-sur-Aube. Partie sans un sou quelques années auparavant, elle y revient avec des domestiques, multipliant les festins et clamant haut et fort ses relations intimes avec la reine. C'est ainsi qu'en décembre 1784, elle est approchée par de riches joailliers, Beumeur et Bassange, qui la prient d'intercéder auprès de Marie-Antoinette afin de lui vendre un collier de diamants. D'une valeur d'1,5 million de livres, le bijou avait été conçu initialement pour Madame du Barry, favorite de Louis XV. Mais le souverain était mort avant que le collier ne fût terminé et les joailliers s'étaient retrouvés avec leur ouvrage sur les bras. Ils espèrent user de l'influence de Jeanne pour convaincre la reine de l'acheter. Sans doute effrayée, Jeanne d'abord refuse. Puis, elle finit par accepter. Son ambition refait surface, germe alors dans sa tête la plus folle des machinations. Oui, 2840 carats en tout. Monsieur Bémer pourra vous confirmer le travail. 2800 carats. Il est magnifique. Des centaines de diamants. Comment résister à ça? Marie-Antoinette adore les diamants, tout le monde le sait. 1 600 000 livres. Je vais faire croire au cardinal de Rouen qu'elle veut acheter ce collier. Mais comme le roi ne doit rien savoir, il faut à la reine un homme de confiance. Et cet homme, ce sera le cardinal. Il achètera le collier pour le compte de la reine, qui promettra de le rembourser. Ensuite, je m'arrangerai pour le récupérer. Ce cher cardinal, il a toujours cru que les lettres étaient de la main de Marie-Antoinette. Il est certain de l'avoir vue au bosquet de Vénus. On l'imagine très bien. Doutera-t-il de la confiance qu'elle lui accorde en lui demandant d'acheter ce collier? Pas une seconde. Mais c'est une pièce unique. Pourtant, 1,5 million de livres, c'est énorme. Il me faut un allié. Un homme en qui il croit aveuglément. Cagliostro. Mes amis, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous la présence de celui qui a été élevé par des sages sous une pyramide d'Égypte, qui connaît tous les secrets de la terre, fabrique de l'or et fait grossir les diamants, qui soigne les pauvres et fascine les riches, et dont les connaissances alchimiques et les pouvoirs occultes sont un enchantement. J'ai nommé le comte de Cagliostro. Joseph Balsamo, qui se fait appeler comte de Cagliostro, a l'art de souffler le chaud et le froid, la peur et la curiosité. Tout en lui est mystère, son passé, ses pouvoirs, sa médecine. Il fascine le cardinal, qui lui installe un laboratoire dans son château de Saverne. Il est devenu l'attraction des soirées à l'hôtel de Rouen. Ah, votre éminence, cher prince et vous tous, je reviens d'une ville d'Afrique grande 10 fois comme Paris. Là-bas, des forces invisibles m'ont chuchoté que dans 50 ans, nous serions tous volés dans les airs. Oui, je le dis, dans le ciel, vous et moi. Et là-bas, cher comte, vous a-t-on parlé de l'avenir du royaume de France? Les forces occultes m'ont dit que mon épée devait tourner 7 fois. Au-dessus de ma tête, et dessiner une âme innocente pour que de sa bouche, l'avenir nous apparaisse. Y a-t-il dans l'assistance une âme innocente? Oh, oui. Que cette épée lourde comme la mort et légère comme la vita se pose sous le destin. Merveilleux, la belle enfant, 15 ans à peine, les yeux bleus comme l'océan, la pureté même. Qui es-tu? Marie de la Tour. C'est votre fille, madame. Elle est sublime, bellissime. Vieni, approche. Quand l'eau de cette carafe se troublera, ce que l'esprit l'aura pénétré, tu nous diras ce que tu vois à l'intérieur. N'aie pas peur. Ton corps va trembler. Ce sont les transes de la divination. Ça y est, ça commence, ça se trouble. Marie, ange de la lumière, qui est dans la carafe? La reine. Grandissima Marie-Antoinette. Et comment va-t-elle? Elle se porte bien. Oh. Et l'enfant qui est dans son ventre? Il grandit. Verra-t-il le jour? Oui. Et la reine survivra-t-elle à ses couches? Elle sera rayonnante. Oh. Magnifico. L'esprit de la reine veut nous dire autre chose? Il veut faire le bien de son peuple et récompenser son éminence. Tu parles du cardinal, notre prince? Les lettres qu'il échange avec la reine le placeront bientôt très haut. Très haut? Il sera influent. Auprès de sa majesté? Et du peuple. Au gouvernement? Le premier de tous. Le premier ministre? Oui. Bravissimo. Cet enfant est une bénédiction. C'est l'esprit qui parle, pas sa bouche. L'esprit dit que le prince devra accomplir toutes les négociations que la reine lui commandera. Il ne saurait en être autrement. Je me sens faible. Oh. Un siège pour la jeune, un innocent. Quel art de la divination! N'est-ce pas, belle gazelle? L'âme innocente savait sa leçon sous le bout des doigts. Me voilà transportée! Et rassurée, il faut vous empresser de paraffer cet accord. Premier ministre, vous vous rendez compte? Oui. Nos joailliers ont déjà signé et la reine y a apposé sa signature. Regardez, Marie-Antoinette de France. Marie-Antoinette. Votre avenir, il est tout tracé. Il paraffe le contrat. Merci, cher comte. Vos oracles font merveille. Grâce à vous, je serai bientôt riche. À défaut de reprendre ma place à la cour, j'aurai un collier que même une reine de France ne peut s'offrir. Le 31 janvier 1785, Rohan se rend chez elle, place Dauphine à Versailles, avec le bijou et une certaine fébrilité. Montrez-le-moi encore. Vous voyez cette merveille? C'est un prodige. La reine va être aux anges. Et ce sera grâce à vous. Vous surpassez les rois et les reines vous ont obligés. Elles ne peuvent se couvrir de bijoux sans votre secours. Mon obstination aura payé. Et la mienne? Le plus beau bijou du monde, il sera bientôt à moi. C'est ma revanche, Rohan. Ma revanche. Chut! Nous ne sommes pas seuls. Vous avez de la visite? Un envoyé de la reine. Suivez-moi. Ah. Où m'emmenez-vous? Il fait sombre. Une alcôve. Nous serons à l'abri des regards. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez cet homme dans mon petit salon? Le valet? En arrivant, il m'a donné cette lettre qui vous est adressée. On n'y voit rien. C'est une lettre de la reine. Elle me demande de remettre le collier à son valet qui le lui fera parvenir dans le plus grand secret. Marie-Antoinette a fait de vous son homme de confiance. Oui, oui, mais ce valet... Qu'est-ce qu'il a, ce valet? On peut lui faire confiance. Et lui donner le collier. Restez là, je m'en charge. Ah? Je reviens. Mais... J'ai cru que je n'y arriverais pas. Pourvu qu'il croie à cette mascarade jusqu'au bout. Alors? Le valet m'a dit qu'il faudra vous tenir demain dans la galerie des glaces. La reine vous saluera. Elle portera le collier. C'est un signe. Le signe que vous serez bientôt Premier ministre, mon amour. Jeanne et ses complices sont désormais en possession du collier. Armés de limes et de couteaux, ils le défont avec une telle insouciance qu'ils en abîment certaines pièces. Qu'importe, Marc de la Motte part pour Londres proposer les diamants à des bijoutiers. Il en demande une somme tellement modeste que les acheteurs sont perplexes. Mais, aucun vol n'ayant été signalé, la Motte fait affaire et revient en France. Savourant sa victoire, Jeanne de La Motte dépense sans compter. Mais le cardinal de Rohan s'inquiète auprès de sa jeune maîtresse de ne pas voir la reine porter le collier. D'autant qu'elle ne lui a pas payé la première échéance et que les banquiers refusent de lui prêter les sommes demandées. Les traites arrivées à échéance restant à payer, la machination est découverte. Les joailliers portent plainte. Sous la direction du lieutenant Thiroux de Cône, la police mène l'enquête. La mascarade est en train de tourner au drame. Jeanne de La Motte comprend que son arrestation n'est plus qu'une question d'heure. Dans la nuit du 5 août 1785, elle se précipite chez le cardinal. Oh, mon ami, mon amour. Cessez de pleurer. Qu'y a-t-il ? Je sors de chez la reine. Le roi a découvert le collier ? Il veut le revendre ? Le revendre ? Ce collier n'existe déjà plus. Parti en petits morceaux aux quatre coins de l'Angleterre. Parlez ! C'est la reine. Elle nie avoir reçu le collier. Quoi ? J'ai clamé votre détresse, l'embarras des joailliers, cette somme que personne ne peut avancer, le scandale qui allait éclater pour vous, pour moi, pour elle. Rien n'y a fait. Elle ne veut pas payer. La reine n'était plus la même. Elle niait tout, même son autorisation. Je le savais. J'ai demandé qu'on me montre l'écriture de Marie-Antoinette. Quand ? Il y a 2 jours. Pourquoi il a fait ça ? Il va tout gâcher. Je pressentais quelque chose. La signature sur le contrat, ce n'est pas celle de la reine. C'est un faux, une imitation. Nous avons été bernés. Villette, il a dû commettre une erreur. C'est trop bête. Il faut tenir, le persuader que c'est l'écriture qu'on lui a montrée qui est fausse. C'est impossible. C'est la vérité. Voilà le contrat que j'ai signé. Et voilà l'écriture de la reine. C'est la même ? Pas du tout. Sur le contrat, la main est tremblante, c'est normal. Une telle somme, même pour une reine. C'est l'écriture de Marie-Antoinette. C'est ce papier qu'on vous a donné qui est un faux. Toutes les lettres que vous avez reçues de la reine portent la même écriture, les mêmes déliés. Pas une qui ne soit pas identique à la précédente. Alors pourquoi nie-t-elle avoir reçu le collier ? Ah, peut-on se fier à une étrangère ? L'Autrichienne est changeante, comme sa mère. Vous aviez vu juste autrefois. Oh, mon ami, je suis perdue. Ma maison est déjà cernée. Ils vont venir m'arrêter. Cachez-moi, je vous en supplie. Mais ici, où est votre mari ? Il attend lui aussi votre asile. Tous les deux chez moi ? J'aurais peut-être le loisir de vous rejoindre dans votre chambre. Ça n'est pas le moment. Et moi, vous avez pensé à moi ? Je devais être premier ministre, même Cagliostro avait vu cela dans ses oracles. Au lieu de ça... D'abord, passez la nuit ici. Ensuite, on ira à Bar-sur-Aube pour se cacher. Je vais gagner du temps, dissiper ses doutes, détourner son attention. J'ai peur pour vous. Oh, je ne crains rien. Ma conduite a été exemplaire dans cette affaire. Pas une fois je n'ai failli à ma parole auprès de la reine. Vous avez été parfait. Je vais vous donner un peu d'argent. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Les difficultés financières vous accablent. Vous êtes si bon. Mais à peine arrivés à Bar-sur-Aube, les époux de La Motte sont rattrapés par la police. Jeanne est arrêtée, tandis que son mari réussit à s'enfuir. Le 15 août, scène incroyable, le cardinal est arrêté à Versailles dans la Galerie des Glaces, alors qu'il devait célébrer la messe dans la chapelle du château. Entre le 14 et le 18 août 1785, les autres protagonistes sont inquiétés eux aussi. Tout le monde ne parle plus que de l'affaire du collier de la reine. C'est l'occasion de compromettre Marie-Antoinette. Certains la croient en possession du collier, d'autres l'imaginent la maîtresse du cardinal, tirant même les ficelles de cette sombre escroquerie. L'histoire se propage bientôt dans toute l'Europe. À Rome, le pape s'émeut qu'on ait arrêté un cardinal dans ses habits épiscopaux. Jeanne est conduite à la Bastille, tout comme Rohan, les époux Cagliostro et Nicole Le Guay. Jeanne est enfermée dans une geôle assez spartiate où les visites lui sont interdites. Le cardinal jouit quant à lui d'un appartement avec 2 domestiques. Commencent alors les interrogatoires. Titon de Villotran, conseiller au Parlement, est chargé de l'instruction. J'ai déjà tout raconté au lieutenant Thiroux. Je n'ai jamais rencontré la reine, jamais vu ce collier. Le prince de Rohan perd la tête, si Dieu lui en a donné une un jour. C'est Cagliostro qui tire les ficelles de cette affaire. Rohan croit tout ce que lui raconte le mage. Vous pensez que le cardinal a inventé cette scène dans les jardins de Versailles ? Le bosquet de Vénus. C'est digne de Beaumarchais. Le cardinal ne sait quoi faire de ses nuits. Et Cagliostro adore raconter des histoires. Il lui a même prédit qu'il serait premier ministre. Et l'autre a tout avalé. Non mais franchement, la reine le déteste, le roi l'ignore et il le nommerait premier ministre. Et si le cardinal avait un cerveau, il aurait demandé un reçu pour une telle somme. 1,5 million de livres. Cette fortune que vous avez amassée, d'où vient-elle ? C'est le prince de Rohan qui m'a fait don de tout ce que je possède. Vous pouvez le prouver ? 203,720 livres en argent et en billets de caisse. Et je ne parle pas des diamants qu'il m'a offerts dans une petite bonbonnière couverte d'une miniature de la reine. Vous vous rendiez souvent à l'hôtel de Rohan ? Le cardinal venait chez moi. Et vous vous vantiez de vos relations intimes avec la reine ? Comment voulez-vous que j'aie des relations avec Marie-Antoinette alors que le prince de Rohan ne parvient même pas à obtenir une entrevue ? Faites entrer le cardinal. Ce cher Louis, quel calme olympien, quel air supérieur. La prison n'a pas entamé son charme, ni son embonpoint. Il est déterminé à me confondre, ça se lit dans son œil. Mais je ne monterai pas à l'échafaud à sa place. Qu'avait-il besoin de m'envoyer chez la reine pour arranger ses affaires ? De m'encourager à lui mentir ? Ce n'est pas ma faute s'il croit n'importe quoi. Votre éminence ? Est-il vrai que Jeanne de la Motte, ici présente, vous a donné une lettre dans laquelle la reine vous demandait de lui prêter de l'argent afin d'acquérir un collier d'une valeur d'1,5 million de livres? C'est exact. Qu'avez-vous à répondre? Montrez-moi cette lettre. Où est-elle? Vous l'avez? Vous voyez, cette lettre n'existe pas. Vous me l'avez subtilisée. Comment j'aurais fait? Jamais vous ne m'avez laissée seule dans votre chambre. Si l'on frappait quand nous étions au lit, vous me faisiez toujours passer dans la petite salle de bain qui donne sur l'escalier. C'est une hérésie. Jamais je n'ai eu avec vous ce genre de... Pauvre cher prince, tout Paris sait que le péché de chair l'a dévoré depuis longtemps. Des chansons grivoises, des dessins grotesques, rien ne lui est épargné. Et cette signature, Marie-Antoinette de France, vous savez bien que les souverains ne signent jamais que de leur prénom. J'étais emporté... par mes croyances. Vous n'avez jamais douté de son authenticité ? Comment croire que c'était un faux ? J'avais parlé à la reine dans les bosquets de Versailles. Vous en êtes certain ? Mes yeux et mes oreilles n'ont pu me tromper. Pourtant, Nicole Leguet reconnaît avoir joué le rôle de la reine, encouragée par Madame de la Motte et son mari. Madame de la Motte est une intrigante. Et je suis sa victime. Vous êtes la victime de votre bêtise. J'ai cru que le cardinal me sortirait de ma condition. Il m'y a enfoncé. Finalement, tout m'a échappé. Les fastes de la cour, l'amitié de la reine. Même mon mari s'est envolé, introuvable. Des diamants plein les poches. L'interrogatoire de Villette marque un nouveau tournant dans cette affaire. Le 5 mai 1786, le complice de Jeanne de la Motte avoue être l'auteur des lettres et raconte la scène du bosquet dans ses moindres détails. Jeanne, à son tour, passe aux aveux. Mais le cardinal innocenté, c'est la vertu de la reine qui se trouve mise en cause. Le bruit court qu'elle s'est servie de Jeanne pour se venger du cardinal. Contre toute attente, le jugement acquitte le cardinal et de ce fait inflige une humiliation publique au couple royal. Un magistrat, qui s'illustrera dans la Révolution, déclare alors « Grande et heureuse affaire, un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux, que de fange sur la crosse et sur le sceptre, quel triomphe pour les idées de liberté !» Le roi demande l'exil du cardinal à l'abbaye de la Chaise-Dieu, tandis que le Parlement condamne Marc de la Motte par contumace et Jeanne à la prison à perpétuité, au fouet et à une marque au fer rouge sur l'épaule. Fouettez-moi, brûlez-moi si vous voulez, vous m'empêcherez pas de hurler. Le cardinal de Rohan est un idiot sans cervelle. Mettez-le au bout d'un pic, ça lui apprendra à réfléchir. Qu'il crève avec tous ces salopards du Parlement. Ils se sont servis de moi pour régler leur compte avec le roi. Je n'ai pas dit toute la vérité sur la reine. Ah, vous voulez savoir la vérité? La reine est une... Un jour, je dirai tout. Dans mes mémoires. Tout sur Marie-Antoinette. Notre relation au Petit Trianon, nos rendez-vous au bosquet de Vénus, son corps nu contre le mien. Je dirais qu'elle m'a aimé comme personne. Que la reine aime les femmes et que j'ai été l'une d'elles, sa préférée. Le peuple saura. Le monde entier saura. Quelques années avant la Révolution française, cette affaire contribue à discréditer la royauté. Lorsque Marie-Antoinette paraît à l'opéra, on la siffle. Elle est devenue un monstre, la mère de tous les vices. Jeanne de Lamothe est transférée à la Salpêtrière. Elle réussit à s'en échapper le 5 mai 1787 grâce à un complice qui lui fournit des vêtements et de l'argent. Déguisée en homme, elle finit par rejoindre Londres où elle retrouve son mari, qui a, semble-t-il, organisé sa vie sans elle. Tandis que la Révolution transforme le visage de la France, Jeanne de Lamothe tente de reconstruire sa vie en Angleterre. Pressée par les nécessités financières, elle se lance dans la rédaction de ses mémoires. Mais la police anglaise et les agents français la surveillent. La publication de ses mémoires serait un nouvel outrage pour la famille royale. Le 12 juin 1791, la police débarque chez elle à l'improviste pour une simple histoire d'impayé. Affolée, Jeanne saute par la fenêtre. Elle se brise les deux jambes. S'ensuivent 2 mois de souffrance et d'agonie. Mon corps a la couleur du citron. L'odeur qui s'en dégage est infecte. Je suis cassée de partout. Je sais que je vais mourir ici, à Londres, dans ce lit froid. Je n'ai même plus la force de signer mes mémoires. Vie de Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse de Lamothe. J'aurais au moins réussi cela, me faire remarquer de la cour, à défaut d'y retrouver ma place. La reine est prisonnière et l'on va abolir la monarchie. Je me souviens de notre rencontre au petit Trianon, sa robe de taffetas mauve, l'odeur du jasmin, les lumières du bal, le reflet des bougies dans les bassins. Ces gens ont nourri tous mes espoirs, suscité toutes mes déceptions. Mais ce qu'ils ont incarné n'existe déjà plus. Ils vont emporter avec eux tout ce que je désirais. Un monde va disparaître. Et moi, avec. Jeanne de Lamothe et le collier de la reine de Renaud Meyer avec Jeanne de Lamothe, Flora Brunier, le cardinal de Rohan, Mathieu Marie, Cagliostro, Fabio Mara, Nicole Leguet, Luna Murati, Marie de la Tour, Hélène Chevalier, Titon de Villotran, Philippe Duclos et les voix de Eva Niollet et Bertrand de Rofignac. Prise de son montage et mixage, Éric Villenfin et Éric Boisset. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Dans quelques minutes, avec Evelyne Nevers, mon invitée, nous reprendrons la discussion sur cette étonnante affaire du collier de la reine. C'est l'heure où tout le monde est vieux. Un parfum en tête, une suée. Le son du variateur quand la lumière faiblit. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous rappelle rien? On se retrouve, ni mieux ni pire, au bar. Quelque chose a enflé, quelque chose s'est creusé. valérien. Ça ne vous rappelle rien. C'est le signal pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. Ou pas, nuit de ci, nuit de là. Rodolphe Burger, Happy Hour sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Billou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale, Djoubaka, à la technique, Kevin Pelot. Evelyne Levert, donc depuis plus de 2 siècles, cette affaire du collier n'a pas cessé de passionner écrivains, cinéastes et même bien sûr les historiens. Alors, pour essayer de comprendre, cette histoire est assez compliquée, assez rocambolesque. Alors, parmi les choses qui sont très étonnantes dans cette histoire, il y a notamment la manière dont le roi a géré l'affaire. On ne comprend pas très bien pourquoi il a fait arrêter comme ça le cardinal de Rohan en plein milieu de la Galerie des Glaces, devant tout le monde. Lui, le roi, qui pourtant a le pouvoir de faire arrêter les gens d'une manière discrète, par lettre de cachet, il aurait pu envoyer Jeanne de la Motte et le cardinal de Rohan finir leur jour à la Bastille, et puis voilà, discrètement, l'affaire était presque terminée. Il n'y aurait pas eu de procès, etc. C'est certain, le roi est le grand justicier du royaume, et de ce fait, il peut exercer directement la justice. Mais il faut bien comprendre que quelques jours plus tôt, la reine avait reçu la visite de ses joailliers, et le joaillier lui avait demandé de payer la première échéance du collier. Parce que, en réalité, le cardinal de Rohan, sur les ordres de Madame de la Motte, avait eu entre les mains, eh bien, un contrat signé de la reine qui s'engageait à payer en 4 échéances ce collier de 1 600 000 livres. Donc les joailliers se sont rendus auprès de la reine. Oui, se sont rendus auprès de la reine et ils ont demandé à la reine de payer la première échéance. Et là, la reine est tombée des nues, elle a été affolée. Elle n'avait jamais entendu parler de cette affaire. Et lorsque elle apprend que c'est le cardinal de Rohan, elle a demandé au roi un éclat public. Elle détestait le cardinal de Rohan et comme de toute façon elle avait quantité d'ennemis, elle a voulu un exemple. Et c'est le roi qui a cédé à sa demande et qui a fait publiquement arrêter le 15 août, jour de la fête de la reine en plus, dans la pleine Galerie des Glaces. Elle a donc fait arrêter le cardinal. Il y a un interrogatoire du cardinal et il demande au cardinal « Mais pourquoi avez-vous acheté un collier au nom de la reine ?»« Parce que la reine m'avait signé un contrat. » Et où est ce contrat? Il produit ce contrat qui est signé d'une fausse signature puisque c'est signé Marie-Antoinette de France alors que les reines ne signent que de leur prénom. « Mais par qui avez-vous eu ce contrat ?» Par Madame de la Motte. Qui est Madame de la Motte ? Demande le roi. Et le roi dit au cardinal, écoutez, écrivez tout de suite une déposition pour raconter toute votre histoire. Et quelques instants plus tard, le cardinal est arrêté. Et on va le conduire à la Bastille. Et on met 2 jours pour arrêter Madame de la Motte. Et on mettra beaucoup plus longtemps pour arrêter les comparses. Le roi aurait dû évidemment voir le cardinal et s'entretenir avec lui tête à tête. Le cardinal aurait expliqué et tout serait rentré dans l'ordre et le cardinal aurait payé. Mais le collier qu'est-il devenu ? Et le cardinal répond qu'il ne sait pas ce qu'est devenu le collier. Il l'a remis à Madame de la Motte. Qu'est devenu le collier ? Ben, il ne sait pas. Et alors là, on apprendra que les diamants ont été vendus, on apprendra ça, au cours de l'instruction du procès qui va s'en suivre. Alors, Louis XVI commet une autre erreur. Il demande au cardinal, quelle juridiction voulez-vous, par quelle juridiction souhaitez-vous être jugé? Vous avez le Parlement ou bien la justice du roi, et il choisit celle du Parlement. Oui. Alors, c'est une grave erreur de la part de Louis XVI. Il aurait dû, en tant que grand justicier du royaume, comme je vous le disais, laisser le cardinal. Mais attention, c'est que le cardinal appartient à une des plus puissantes familles du royaume, les Rohan, qui ont une clientèle extrêmement importante. Donc, très grand prince, il demande au cardinal comment il préfère être jugé. Et le cardinal choisit le Parlement. Et là, c'est terrible pour le roi, parce que le Parlement, c'est à la fois une cour de justice, certes, mais aussi le Parlement a un rôle politique, c'est un contre-pouvoir. Bon. Et le Parlement s'oppose depuis 10 ans aux lois que le roi veut faire enregistrer. C'est un nid de contestation contre la monarchie absolue. Alors, c'est fantastique pour le Parlement, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Rohan choisit donc de se faire juger par le Parlement. Alors, il s'ensuit un procès, mais un procès qui va avoir un éclat absolument terrible, parce qu'au fur et à mesure du procès, on va être obligé de révéler un certain nombre de choses, et on voit, l'opinion voit, une société, la société aristocratique, la société de cour, qui apparaît comme une société complètement dévoyée, où les gens s'ennuient, dépensent un argent fou, et puis ont des fréquentations douteuses, en particulier Cagliostro. On apprend donc que le cardinal de Rohan assiste à des séances de spiritisme avec Cagliostro qui cherche la pierre philosophale. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société ? Dans un quel monde libertin. Vivons-nous ? Et on a l'impression que toute la cour vit dans un univers qui est complètement déconnecté des réalités. Et puis, il y a la reine qui passe à ce moment-là. Alors là, on raconte, elle est centrale dans ce procès. Et elle n'apparaît pas, bien entendu, on ne l'a pas interrogée. Et on commet un certain nombre de suppositions. On pense qu'elle a acheté le collier, qu'elle s'est fait offrir le collier par le cardinal dont elle était la maîtresse. Enfin, on raconte quantité, toutes les folies possibles et imaginables. C'est l'éclat qu'elle cherchait pour porter atteinte à la réputation du cardinal. Finalement, elle se retourne contre elle. Et à ce moment-là, l'affaire du collier va figer définitivement son image de messaline et de femme vénale. Tout cela à cause d'une aventurière de haut vol, Jeanne de la Motte, qui est rien du tout. Elle descend d'un bâtard d'Henri II, elle a été mendiante dans son enfance, enfin, ce n'est rien, mais elle a été le cerveau de toute cette affaire qui est complètement rocambolesque, mais qui va atteindre à la fois la reine et, par l'intermédiaire de la reine, le roi lui-même, qui passe pour un cocu, pour un faible, qui est sous l'influence de sa femme, cette mauvaise reine qui est Marie-Antoinette. C'est ça qui va ressortir de là, et 4 ans plus tard, la révolution éclate. Comme je vous disais au début, les affaires n'éclatent que quand il y a un climat qui est en train de se détériorer. Et cette affaire-là n'aurait jamais éclaté s'il n'y avait pas eu le climat délétère derrière. En quoi cette affaire annonce-t-elle la révolution, justement ? Alors, c'est Mirabeau qui dira « c'est une préface de la Révolution », parce que là, on a l'impression d'un roi impuissant, d'une reine qui est en but à toutes les turpitudes, et d'autre part, eh bien, une société qui est à la tête de l'État et qui est complètement dévoyée. Merci beaucoup, Evelyne Levert. Je conseille vivement la lecture de votre livre « L'affaire du collier » qui est disponible en poche dans la collection Plurielle. Une enquête passionnante établie à partir de documents jusqu'alors inédits qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre. Un livre qui se lit comme un polar. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, à podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends bien sûr vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre d'une autre femme, une artiste, cette fois la peintre Berthe Morisot, belle, tourmentée et extrêmement douée. La seule qui a réussi à s'imposer parmi les impressionnistes au Salon des Indépendants en 1874. Pour en parler, je recevrai Marianne Mathieu, chargée de collection au musée Marmottan. La peintre Berthe Morisot, c'est dimanche prochain, dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.